Cartographie des mémoires à Mourinx. Bonjour et bienvenue à Mourinx. Tu te trouves dans la ville où j'ai grandi. Je vais te raconter 5 histoires dans 5 quartiers différents. Pour te guider, tu as peut-être la carte de la promenade avec toi. Sinon, c'est pas grave. Je vais te donner des indications sur le chemin. Là, normalement, tu es arrivé à un rond-point. Parfois, tu vas entendre mes pas. Ça veut dire que tu dois marcher. Et sinon, eh bien, tu peux juste rester sur place. Tu es prêt? Alors on peut commencer. Tu es devant le numéro 21 du bâtiment A. C'est ici que j'ai grandi. À mes 3 ans, ma mère, qui n'avait pas vraiment d'autre solution, est revenue vivre à Mourinx, dans l'appartement où elle avait grandi, dans cette ville qu'elle s'était empressée de quitter. J'ai passé mon enfance entre l'appartement de mes grands-parents au 3e étage et la rue où tu te trouves. Je vais essayer de te raconter cette histoire à travers ce qu'ils m'en ont raconté de la manière la plus juste possible. Après tout, cette histoire est aussi la mienne et leurs souvenirs et ceux de ma famille habitent ce quartier. Je sais par exemple qu'Anna et Juan, mes grands-parents, sont arrivés dans cette rue un soir de novembre 1958 sous une pluie battante. Il faisait noir et il y avait de la boue et autour d'eux des carcasses d'immeubles qui sortaient de terre. Pour Anna et Juan, pour tous ceux qui sont arrivés à Mourinx cette année-là et les suivantes, Mourinx était la promesse d'un nouveau départ. Mes grands-parents avaient fui la faim, la pauvreté et le franquisme en Espagne. Les premiers jours, ils ont dormi par terre, mais ça ne les gênait pas. Ils étaient enfin arrivés chez eux. Ils allaient devenir pionniers dans un endroit où tout restait à faire et où tout le monde venait d'ailleurs. Je crois qu'ils avaient entendu parler de cette ville nouvelle par des amis ou de la famille. Et je les imagine se répéter le nom de Mourinx pendant leur voyage comme une promesse d'Eldorado. Du plus loin que je me souvienne, il y a le bruit des fourchettes et des couteaux dans les assiettes, quelques discussions, quelques cris, des sons de musique et l'accent chantant de ma grand-mère qui m'appelle de la fenêtre de la cuisine. Dans cette rue, j'ai appris à faire du vélo, des couronnes de fleurs avec les marguerites qui poussent au pied de l'immeuble et à reconnaître l'est de l'ouest à la façon dont le soleil faisait avancer l'ombre des arbres. Tu sais quoi ? On va pousser la porte du numéro 21. Je suis sûre qu'elle est ouverte. Elle n'a jamais été fermée. Porte fermée. Alors, tu as pu rentrer ? Regarde les noms sur les boîtes aux lettres. Martial, Dolciami, Esteban, Miquel, De Freitas. De 1958 jusqu'au milieu des années 60, ce sont des familles entières, mais aussi des individus isolés qui viennent s'installer ici. Qu'est-ce qui les a fait partir ? Est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient ? Si tu demandes à mes grands-parents de te parler de Mourinx, ils te parleront d'entraide. Dans cet immeuble et dans les autres, les gens s'aidaient. D'ailleurs, les murs étaient tellement fins qu'il était impossible de cacher quoi que ce soit à son voisin. Dans cet escalier, chacun avait sa spécialité. Madame Yorka et sa mouna, la garbure de Joséphine, le couscous de Fatima. On va sortir. Et en sortant, tu vas aller tout droit. Tu vas traverser le petit parking et te diriger vers le grand chêne. Il y a un banc juste en dessous. Tu peux t'y asseoir si tu veux. Je dois te dire que le paysage que tu vois devant toi était bien différent. Ici, il y avait de la boue et pas de rue. C'était à l'époque où ma grand-mère chaussait ses bottes pour conduire ma mère à l'école, où des groupes d'enfants se réunissaient en bas des immeubles, où le supermarché n'était qu'un champ où on ramassait les champignons et où la maternité n'avait pas encore été transformée en EHPAD. Moi, quand j'étais petite, je passais toutes mes vacances dehors. J'explorais les environs. Je suivais les tapis de mousse qui poussaient sur le versant nord des arbres. Je tirais des flèches comme Robin des Bois, dont le film avait tourné dans le magnétoscope pendant des journées entières. Je semais des cailloux sur le chemin comme dans un conte de fées. Mourinx, c'était l'endroit des découvertes autant que des cachettes. Moi qui aimais parfois me rendre invisible tout en restant à portée de voix de ma grand-mère. Et maintenant, tu vas te lever et on va aller vers la place des pionniers. Donc, si tu étais assis sur le banc, tu vas aller vers ta droite pour aller tout au bout du bâtiment A. En 1949, une sonde révèle la présence d'un petit gisement de pétrole à lac, mais il faut attendre 1951 pour voir la découverte de ce qui va être l'un des plus grands gisements de gaz naturel au monde. Mourinx n'est alors qu'une bourgade de 200 habitants. La naissance du complexe de lac va alors conduire à une profonde modification des structures de la région. La main-d'œuvre afflue de toutes les régions de France. Mais comment héberger rapidement des milliers d'ouvriers et leurs familles venues de toute la France et d'ailleurs? Les villes d'Orthez et Pau, à proximité, refusent la construction de quartiers pour accueillir ces nouveaux arrivants. Alors il est décidé de créer une ville entière, sur des terrains marécageux. Avant sa construction, l'architecte M. Maneval disait de Mourinx « Cette ville doit assurer à ses habitants le maximum de confort que peut apporter la technique moderne. Un groupe d'habitations de 12 000 âmes est une véritable cité, pas un bourg ou un gros village. Et pour qu'une ville existe, elle a besoin d'un cœur. Et pour que le cœur vive, il faut une certaine densité de population que l'on peut obtenir que par des immeubles. On va vérifier que tu es sur le bon chemin. Normalement, en face de toi, tu dois voir deux arbres sur la place des pionniers. Le paysage n'est pas juste un décor, un horizon. C'est d'abord un point d'entrée, un point de rencontre, un ensemble de points communs qui lient par le regard celles et ceux qui l'habitent et le traversent. Ok, maintenant, on va tourner à droite et tu vas longer le bâtiment A. En face de toi, il y a l'immeuble rose et blanc. Tu vois la pharmacie à droite? Alors, on va traverser le passage piéton. Tu vas marcher sur le trottoir avec la pharmacie à ta main gauche. Devant toi, il y a une boîte aux lettres et un beau chêne. Et nous, on va s'arrêter près du chêne. Tout le voisinage a vieilli sur le même rythme. Les voisins étaient des amis de toute une vie. Certains étaient partis, puis revenus. D'autres étaient restés, mais tous se retrouvaient à marcher sur le trottoir sur les conseils de leur médecin, à faire plusieurs fois le pâté de l'immeuble, à s'arrêter pour un brin de causette, mais sans jamais trop s'éloigner de chez eux. Si je devais parler de Mourinx à des gens que je ne connais pas, je leur parlerais du gisement de gaz, de cette ville champignon qui s'est construite pour héberger des ouvriers dont personne ne voulait, de l'entraide et de la diversité. Ce que je garderai pour moi, c'est cet arbre que tu vois devant toi où j'aimais me percher avec mes amis, et cette route qui n'a somme toute rien d'extraordinaire pour les gens qui ne la connaissent pas, mais pour moi, c'est celle que je prenais avec Antoine pour aller au Belvédère ou nager à la rivière. Et on va se diriger vers le centre-ville. Tu vois le supermarché? Juste en face, il y a le bar de la Coupole. Je te propose d'aller là-bas. Fais bien attention en traversant la route. Je ne sais pas si le jour où tu viendras, la tour des célibataires, cette grande tour qui se dresse devant toi, sera là ou pas. Ça me fait drôle d'y penser. Rien que ce nom, tour des célibataires. Ça nous faisait rêver quand on était adolescente. Quand elle aura disparu du paysage, j'imagine que ça va être comme quand on t'arrache une dent. Tu prends lentement conscience de ce qui t'arrive. Au début, il y a un trou béant. Tu passes ta langue sur la gencive en essayant de t'habituer à cette nouvelle sensation. Et puis un jour, tu oublies d'aller vérifier la dent en moins. Tu vois la terrasse du bar de la Coupole? Tu peux aller t'asseoir là-bas si tu veux. La dent en moins. C'est ce qui s'était passé à la mort de mon grand-père. Pour essayer de combler le vide de sa disparition, on s'était tous réunis sur la terrasse de la Coupole. C'était bizarre de passer la langue sur une gencive douloureuse, de se remémorer des souvenirs tous ensemble. Oui, il y avait tous ceux qu'aimait mon grand-père. Les copains, les chansons, et il y avait surtout cette ville, Mourinx. Qu'est-ce qui fait l'attachement à un lieu et à des gens ? Par quel procédé beau et compliqué, l'amour que l'on éprouve pour des gens se confond avec l'amour que l'on éprouve pour des lieux ? De quoi a été fait ce sentiment d'appartenance que les pionniers tenaient à tout prix à transmettre à leurs enfants et petits-enfants ? Si les souvenirs de notre famille s'ancrent dans ces lieux, alors l'amour s'ancre aussi dans ces paysages. C'est ce que je ressens en me promenant dans Mourinx, pour y redécouvrir les souvenirs qui me lient à ma famille. Et je sais ce que j'éprouve, assise à la terrasse de la coupole. À regarder, somme toute, des immeubles assez laids, j'éprouve un attachement si fort et si tenace qu'il est probablement fait du même béton.